Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le nouveau numéro d'Historia daté d'avril propose 60 ans après un grand dossier intitulé « Paroles de soldats, témoignages de la guerre d'Algérie ». Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son coordinateur. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La coordination de cet important dossier en effet est due à Tramor Kemener qui est spécialiste de la guerre d'Algérie, qui enseigne à l'université Paris 8. Son appui va nous être précieux pour aborder cet après-midi un dossier dont le moins qu'on puisse dire est qu'il reste sensible. Oui, les événements de cette guerre d'Algérie sont en effet très présents à la mémoire de nombreux auditeurs. Oui, je crois même qu'on peut parler d'un choc collectif longtemps passé sous silence. Alors nous allons aborder spécifiquement cet après-midi la situation des appelés en Afrique du Nord à travers le témoignage d'un jeune fils de paysan des Dombes, très engagé politiquement, vous allez voir. Il va de soi que son vécu de la guerre n'appartient qu'à lui et que s'il nous familiarise au contexte de l'époque, et c'est pour ça que nous l'avons choisi, ce témoignage reste personnel, subjectif, et c'est peut-être aussi ce qui le rend intéressant. Nous sommes donc en Algérie il y a 60 ans, le soir du 9 mai 1958, en Kabylie exactement, sur une route sinueuse. Imaginez des paysages accidentés qui sont en train de tomber dans la nuit. Un convoi français de quelques camions, il y a une cinquantaine de militaires à bord. Ce convoi vient d'essuyer une attaque de Felaga, ces combattants de l'indépendance algérienne. Le moins qu'on puisse dire est que le feu a été nourri. Il a fallu s'arrêter en toute hâte, tenter de se retrancher dans les abords montagneux. Plusieurs hommes ont été touchés, il y a même des morts. L'attaque a duré de longues, d'interminables minutes. Elle a l'air terminée là, pour le moment. Et on entend les râles des blessés qui résonnent dans l'obscurité. L'urgence pour ceux qui n'ont pas été touchés, c'est de se protéger. À tout moment, des Felaga peuvent surgir, lancer un assaut. Les militaires français, plus ou moins bien cachés, sont à la merci de nouveaux tirs. Et parmi ces militaires qui se cachent, qui sont aux aguets, un appelé de 21 ans. Il faut l'imaginer mince, le visage doux, il s'appelle Albert Nallet. C'est un fils de paysan de la Dombe. Donc la Dombe, c'est cette région très particulière entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Le voici à présent dissimulé, en retrait de cette route kabyle, à l'affût, aux côtés d'un camarade de combat. L'un et l'autre se sentent si loin de chez eux. Des renforts doivent arriver, non pas par la route, ça ce serait trop dangereux, mais par des chemins. Il va falloir donc patienter dans l'obscurité, rester sur le qui-vive. Et soudain, un son inhabituel qui se rapproche. Ce sont des hommes qui marchent en contrebas, peut-être les renforts, mais peut-être des ennemis. Albert et son camarade sont effrayés, il faut le dire. Ils doivent rester concentrés, le plus discrètement possible. Ils préparent leurs armes, tandis que la silhouette des marcheurs devient maintenant visible dans cette semi-obscurité. En un instant, tout peut basculer. Alors Albert suit la procédure prévue. Il lance le mot convenu, oiseau. S'il n'y a pas de réponse, il va falloir tirer. Il n'y aura même pas à se poser de questions. On appuie sur la détente. Heureusement, le mot espéré arrive, bleu, oiseau, bleu. Albert peut respirer, ce sont donc bien les renforts et cette fois, ils vont s'en sortir pour pouvoir rentrer au camp. Il n'empêche, le convoi compte 5 tués et 7 hommes gravement touchés. Albert vient de vivre un des pires moments de sa jeune vie et pour une cause en laquelle il ne croit pas, que dis-je, une cause qu'il rejette pour sa part, celle de l'Algérie française. Il faut en effet vous préciser qu'Albert est communiste. Le lendemain de l'embuscade, parce qu'il ressent le besoin de s'épancher, ce jeune appelé va entreprendre la rédaction d'un journal. Et dès les premières lignes, on peut sentir sa révolte. Je le cite. « J'écris sur ce cahier tout ce que nous faisons. Je le fais pour que la population, mes copains, mes amis prennent plus tard connaissance du travail effectué par l'armée française en Algérie. Ceci afin que ne subsiste plus de malentendus, de mensonges qui font en sorte que cette guerre imbécile et sans issue se prolonge toujours plus meurtrière. Ces pages sont aussi le drame de conscience d'un jeune qui aime la liberté, c'est-à-dire qu'il l'aime non seulement pour lui, mais aussi pour les autres, pour le peuple algérien. Je m'incline bien bas devant les courageux patriotes algériens qui combattent jusqu'au bout, au fond d'un oued. Et l'auteur va plus loin. D'entrée de jeu, il va au bout de sa condamnation de la cause qu'il est en train de servir. « Combien je hais l'armée, écrit-il, armée au service d'un régime le plus éhonté qui puisse exister, la domination colonialiste. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Albert n'a aucune raison de conscience de se trouver là. Et c'est très important cette affaire, parce que ça nous met au cœur du dilemme d'un grand nombre de soldats. Évidemment, son point de vue n'est pas partagé par tous ses camarades de combat, il s'en faut. Mais il n'est pas rare, ce point de vue-là, et ça rend la situation de ceux qui pensent comme Albert littéralement cornélienne. Comment accepter de risquer sa vie pour une cause en laquelle non seulement on ne croit pas, mais à la limite, une cause qu'on aurait même envie de combattre, d'une certaine façon. En ce mois de mai 58, Albert va fêter un anniversaire pénible, vertigineux. Ça fait un an déjà qu'il est en Algérie, un an qu'il a été arraché à sa vie d'ouvrier dans une fonderie de Villeurbanne, près de Lyon. Son engagement contre la guerre d'Algérie n'est pas né sous le feu des combats, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Cet idéal communiste d'Albert est ancré bien plus en amont. Ça fait longtemps qu'il est favorable à l'indépendance de l'Algérie et qu'il milite contre la guerre. Au cœur de son adolescence, il a assisté à la dégradation de la situation de l'autre côté de la Méditerranée, surtout à partir de 54, vous savez, avec l'intensification de l'engagement de l'armée française, le rallongement du service militaire. Il était de plus en plus inévitable qu'Albert soit appelé à son tour, comme tant d'autres, et comme tous ceux qui ne sont pas revenus et qui ne reviendront pas. Sa convocation date d'avril 57. Elle a suivi de peu son 20e anniversaire et la destination était l'Algérie, sans étape intermédiaire. Dès le 3 mai, il était dans le train pour Marseille, ce qui déjà pour lui, si vous voulez, faut se remettre dans sa vie à lui, hein. C'est une aventure en soi. Et puis le 6 mai, c'était l'arrivée en bateau dans la baie d'Alger, si célèbre, vue extraordinaire et qu'il ne devait jamais oublier. Puis Albert a été envoyé pour 4 mois de préparation au sein d'un régiment de tirailleurs sénégalais à Fort-de-l'Eau, donc dans la partie orientale, enfin à l'est d'Alger si vous voulez. Et là, il lui était encore possible le dimanche de profiter de permission. Hein. C'était les plaisirs de la capitale, les troquets, les belles plages, etc. L'occasion aussi de voir les différents quartiers. Et pour lui, avec cette conscience qui est la sienne et que vous avez comprise maintenant, pour lui de s'indigner des écarts de conditions de vie au sein de la population. Mais cette période s'est vite terminée. En septembre 57, Albert a pris le chemin de la Grande Kabylie jusqu'à Fort National, une ville très protégée. On est au-delà de Tizi Ouzou, dans une région montagneuse escarpée. Fort National n'a été qu'une étape. Sa section ensuite a été envoyée, et très vite, près d'un village nommé Aïtfra. Et ce n'est pas l'endroit le plus exposé, disons-le. L'un des rôles des militaires du campement, c'est de sécuriser les travaux routiers dans la région. Donc on pourrait presque parler d'un deuxième front, si vous voulez. Le quotidien d'Albert, à partir de là, ce sont des tours de garde et des tours de garde et des tours de garde, dont certains sont nocturnes, bien sûr, des patrouilles, des opérations dans un certain nombre de villages au fin fond de la montagne. Ces missions, vite, l'ont exposé à un danger direct. Il a fallu supporter d'entendre, lors de certaines missions, je le cite, « si de vraies balles tout près des oreilles », ce qui, si l'on en croit, donne envie de faire dans son froc, c'est son expression. Et pendant certaines interventions, il y a donc des victimes de part et d'autre, bien entendu. Le pire est encore à venir, quelques mois plus tard, donc ce 9 mai 58, sur cette route montagneuse, il y a l'embuscade que j'évoquais tout à l'heure, la peur intense, ces 5 morts, un traumatisme pour un jeune appelé qui cette fois a décidé de prendre en note donc tout ce qui lui arrivera au fil des jours. Et c'est comme ça qu'Albert constitue ce témoignage si important pour nous, à travers un regard critique, un regard militant, un témoignage dont certaines pages, vous allez voir, font froid dans le dos. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de suivre le témoignage d'un appelé d'Algérie, Albert Nallet. Il a la particularité d'avoir été, avant de partir au combat, un militant contre la guerre, ça on l'a vu avec vous. Alors avant que vous nous racontiez la suite de ces longs mois en Algérie, j'ai quand même une question. Enfin j'en ai deux aujourd'hui pour vous. Combien y a-t-il eu d'appelés envoyés là-bas en Algérie et à quel point la mort faisait-elle partie de leur quotidien ? Alors, elle faisait évidemment, c'est une guerre, même si à l'époque on ne veut pas prononcer le mot, bien sûr. Hein. Au total, en Algérie, il y a eu environ 1 200 000 appelés. Je parle sous le contrôle de Tramor Kemener, qui nous parlera de tout ça dans un instant. Alors, pour ce qui est de la mort dans leur quotidien, vous imaginez bien qu'elle est là, constamment présente. Hein, ce sont des opérations militaires, évidemment. Pour se faire une idée, on peut évoquer le bilan de ces années de guerre, qui d'ailleurs est difficile à établir précisément. Et là, je cite Tramorkemner. Officiellement, 23 196 soldats français ont trouvé la mort en Algérie. La FNACA dénombre cependant plus de 28 000 soldats tués. Plus d'un tiers des morts du côté français sont dus à des accidents, mais ceux-ci peuvent masquer des suicides ou des comportements à risque adoptés par les soldats dans une situation de tension. Par ailleurs, le nombre de 60 000 blessés du côté français ne tient pas compte des blessures psychologiques largement minorées. Le stress post-traumatique n'a été pris en compte dans le cadre militaire que tardivement, c'est le moins qu'on puisse dire, même très récemment, disons. Alors on va voir à travers les yeux d'Albert Nallet ce qu'a pu être la dureté de ce quotidien des appelés d'Algérie pendant des mois interminables. Son témoignage est aussi intéressant donc pour sa subjectivité politique. Je vous le disais, le printemps 1958 est marqué par une grave insurrection à Alger qui débouche, vous le savez, c'est la fameuse crise du 13 mai, plus ou moins orchestrée par des éléments gaullistes. On ne va pas revenir sur ce tout autre débat, nettement plus politique, et qui aboutit en tout cas au retour au pouvoir du général de Gaulle. C'est bientôt la fin de la 4e et le début de la 5e République. Évidemment que Albert suit tout cela. Et début juin 58, il écrit « De Gaulle a été investi, il y a donc menace d'allongement du service militaire à 30 mois, mais le mouvement populaire ne sera pas brisé pour autant. Des changements viendront bientôt bouleverser la face des choses et nous libérer du cauchemar. » Autant vous dire qu'Albert ne croit pas en De Gaulle. Il dénonce même des agissements frauduleux au moment du référendum instituant la 5e République. Il faut dire qu'il fait partie, lui, des forces qui encadrent les opérations de vote, en Kabylie, bien sûr. Albert n'hésite pas à parler politique avec d'autres appelés. Évidemment, tous ne sont pas réceptifs à ses idées, loin de là. Il en trouve néanmoins avec qui il peut s'entendre. Et là se nouent bien sûr des liens amicaux. Dans son journal, dans ses lettres à ses proches, il insiste pour lui, le combat des Français en Algérie est un combat perdu d'avance. Et d'ailleurs, à ses yeux, le comportement des Français n'est en rien facteur de pacification. Par exemple, il évoque une opération un jour de septembre 58, opération au cours de laquelle des prisonniers sont exécutés et ils s'insurgent. L'armée française vient de commettre un assassinat, un de plus, et pas des moindres, honteusement nommé corvée de bois ou cueillette de champignons. Vous connaissez ces expressions, bien sûr. Cette dure journée se termine tragiquement, ôtant la vie sous nos yeux à deux jeunes, nos semblables, qui s'étaient pourtant rendus. De même, il s'indigne encore et encore du traitement infligé à de nombreux civils, des violences, des injures, des vols, des actes de torture, des viols et que sais-je. Face à cela, d'autres militaires partagent sa colère, mais il y a aussi tous ceux qui participent de manière plus ou moins importante. Pendant l'automne 58, l'un de ces nombreux changements de camp de base a lieu. Il y en aura en tout une petite quinzaine. Les missions se poursuivent sur place ou beaucoup plus loin, à travers les montagnes, au fil des mois. Lors de certaines opérations, il s'agit de cerner des villages de barbelés pour éviter la circulation de l'ennemi. D'autres visent à aller au-devant de groupes de félagas qui ont été repérés dans les reliefs. Vous imaginez comme on part de gaieté de cœur. Le danger est permanent. Il faut s'habituer à vivre avec la peur, cette espèce de peur au ventre qui fait partie du quotidien. Il arrive que des bombardements intenses viennent essayer d'appuyer les opérations à pied, bien sûr. Il y a aussi les longues phases d'ennui à la base, les semaines, les mois qui s'égrènent péniblement. Albert a peu de soupapes pour relâcher la pression, si vous m'autorisez cette image. Bien sûr, il y a la lecture, sauf que de temps en temps, les livres viennent à manquer. Et à certains moments, quand on n'a plus de livres, qu'est-ce qu'on fait? On le reprend. C'est très bien ça pour les auteurs, parce que vous découvrez la lecture, si je puis dire. Et puis, il y a l'alcool, évidemment, mélangé à l'épuisement, au dégoût. Cet alcool peut avoir des effets détonnants. C'est le cas à Noël 58. « On en a marre, la boisson permet d'oublier », écrit-il. « On va chez notre lieutenant, on fait de la casse. Avec lui arrive un officier parachutiste. Nous nous faisons engueuler, mais nous évitons la punition de 8 jours. » Dans Fort National, devant la maison du commandant, nous chantons l'international, on termine au foyer, rentrons complètement bourrés à 2h du matin en hurlant « La quille, bon Dieu !» Fin 58, Albert est envoyé quelque temps dans un camp vraiment vétuste. Lui et ses camarades parviennent à se débarrasser des poux. Ils doivent composer néanmoins avec la saleté ambiante, avec les rats qui sont là et qui grouillent. Albert peine de plus en plus à supporter les scènes auxquelles il est contraint d'assister. Il sent flancher son moral et bien sûr, il est loin d'être le seul dans cette situation. Chacun exprime sa lassité d'une façon différente. Chacun exprime son mal-être. Il y a des scènes inquiétantes, comme il le raconte un jour de février 59, quand un militaire se met à tirer sans raison avec son arme en pleine rue. Voilà le genre d'accident qu'évoquait tout à l'heure justement Tramor Kemener, hein, en disant qu'il n'y a pas que les morts au combat au sens propre, bien sûr. Alors, Albert, ai-je besoin de vous le dire, ne fait aucun zèle. Et même, il va plus loin, par exemple, il lui arrive de ne pas le dire lorsqu'il aperçoit des fuyards en cours de mission. C'est-à-dire que là, pour le coup, il trahit sa propre mission. Les rapports entre militaires sont souvent tendus, ils ont des désaccords profonds sur ce qui se passe lors de leurs interventions. Et après la mort d'une femme de 21 ans au cours d'une mission, au bord d'une route, il écrit « Violentes discussions avec mes copains qui ne sont pour la plupart pas d'accord pour condamner cet acte. Trop deviennent racistes. Je suis fatigué de toutes ces choses. Je me sens changé intérieurement. Des copains me le font remarquer. Je m'emballe plus facilement qu'avant. Je deviens sectaire. L'armée et l'Algérie m'abrutissent. » Alors, la quille, quand il hurlait le jour de Noël, la quille, bon Dieu, c'est-à-dire la faim, eh bien, ça approche, c'est son espoir seulement. En fait, il ne va pas faire 24 mois, notre Albert, il va en faire 27. Autant dire que pour lui, les épreuves sont loin d'être terminées. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire d'Albert Nallet, ce jeune homme de 20 ans, un appelé communiste, appelé d'Algérie. On suit son parcours grâce à ce journal qu'il tient au quotidien. Il doit faire 24 mois, finalement il en fera 27. Eh oui, et évidemment les derniers mois sont comme souvent les plus difficiles. Et vous savez, la guerre c'est toujours horrible et vous ne pouvez pas dans ce genre de circonstances ne pas assister à des scènes atroces. Et pendant le printemps 59, il y en a des scènes terribles. La torture d'une dame âgée et même un viol collectif. Et Albert écrit « Acte du plus vulgaire sadisme s'il en est. Beaucoup de gars sont écœurés. Cependant d'autres rient, le capitaine laisse faire, reste impassible, indifférent, raciste jusqu'au dernier degré. Il est désespéré, cet Albert. Il compte les jours, il se sent très fragile, il voit bien que son psychisme est en train de céder et les militaires sont amenés de temps en temps à nouer des liens avec les populations. Et alors là, ça, il nous en donne le témoignage également quand il est au contact de populations. Voilà une rencontre par exemple qui a marqué le jeune appelé. Je discute avec une famille, un petit gosse me sert d'interprète. Lorsque je dis à la femme que j'effectue mon 24e mois d'armée, elle éclate en sanglots, me disant qu'elle a deux fils en France. « Votre mère doit pleurer, vous êtes gentil et vous ne faites de mal à personne, dit-elle. Ce n'est pas vous qui enfoncez les portes et volez les poules. Dans le village, nous ne sommes jamais tranquilles, toujours des militaires, vivement que ça finisse, pour nous tous. » Tels sont les sentiments de ces habitants kabyles, écrit Albert. « En somme, appelés du contingent, nous subissons le même mal, des mêmes salopards. » En mai, il a droit à un petit séjour à Alger, occasion de se reposer un petit peu. Il faut vous dire qu'il n'a eu qu'une seule vraie longue permission l'année précédente, au cours de laquelle il a pu retourner quand même quelques semaines auprès de ses parents. Et ces quelques jours à Alger, c'est vrai, lui font du bien. Il est accueilli chez une riche européenne qui propose son beau domaine, qui le met à la disposition de l'armée. Et il se balade dans Alger, il va beaucoup au cinéma, il sera en bordel aussi. Mais quand il faut retourner en Grande Kabylie, là c'est vraiment pénible. Il le sait, il n'en faudrait pas beaucoup pour déraper, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut s'accrocher. En juin, c'est confirmé, il n'y aura plus que quelques semaines, et ça c'est le bonheur, encore un peu de patience. Enfin, début août, il va quitter le port d'Alger sur un bateau. Il n'hésite pas alors à jeter par-dessus bord cette médaille militaire qu'on vient de lui remettre. Albert ne laisse pas tout à fait l'Algérie derrière lui. La quille s'est vite dit, écrit-il, je ne m'en tirerai pas comme ça. Les 27 mois passés là-bas m'ayant profondément marqué, véritable cassure, comme une rupture à ma vie civile, où je suis brusquement propulsé avec l'impression de débarquer sur une autre planète. La Vespa et la deux chevaux commencent à supplanter la moto. Dans les balles, on danse maintenant le rock'n'roll, le twist, le cha-cha-cha, la bamba. Et dans la foulée d'Elvis Presley débute la déferlante de la nouvelle vague de la génération de Salut les copains. Johnny Hallyday chante Retiens la nuit, l'idole des jeunes, Françoise Hardy, tous les garçons et les filles de mon âge. Sheila, l'école est finie. Comme tout cela me paraît futile, dérisoire, il me faudra du temps pour reprendre une vie normale et me joindre à la lutte pour imposer la paix en Algérie. Bonjour Tramor Kemener, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Bonjour. Nous avons choisi avec Pierre-Louis Lancel ce récit d'un, d'un appelé un peu particulier, puisque lui est radicalement opposé à la guerre. Nous avons un message, Anissa, oui. de quelqu'un dont le père et l'oncle étaient justement communistes et qui ne partagent pas les points de vue d'Albert. C'est en fait. Ça, exactement. Kivala Lamba qui a écrit sur la page Facebook « Mon oncle et mon père ont fait la guerre d'Algérie et tous les deux dans des régiments de mêlée, commandos de chasse et infanterie de marine. Ils étaient communistes tous les deux, mais avant tout patriotes. Oui, c'était pas incompatible à l'époque et bien qu'ils comprenaient le combat légitime des Algériens à l'indépendance, ils se posaient pas de questions dans les rares fois où ils en parlaient. » Alors s'il y a tous les points de vue possibles et tous les états de conscience, c'est tout à fait normal et c'est toujours comme ça dans des guerres où le contingent est appelé, bien sûr. En revanche, on peut dire que tout le monde a partagé une même chose qui est la peur. C'est ça qui ressort de tous ces témoignages d'appelés d'Algérie. Hein. Oui, enfin, quand je dis d'Algérie, disons d'Afrique du Nord, hein, oui, au sens large. Tout à fait, effectivement. Au départ, on est sur une véritable guerre en Afrique du Nord. Le Maghreb, le Maroc et la Tunisie sont également concernés, avant qu'on parle vraiment de la question algérienne ou du problème algérien. Et donc, la véritable guerre aussi. Et puis, on ne disait pas le terme de guerre, justement. C'était des opérations de maintien de l'ordre. Donc, ça a mis du temps, finalement, à rentrer un petit peu dans les consciences. Et en même temps, aussi, la peur, oui, pour beaucoup, mais même chose aussi, c'est vraiment une guerre qui est extrêmement hétérogène finalement. C'est, ça dépend déjà, des secteurs, ça dépend des périodes. Voilà, ça dépend des secteurs, ça dépend des périodes. Il y a des personnes qui ont été véritablement isolées et très tranquilles, donc qui n'ont eu aucun problème. Et d'autres au contraire, comme Albert Nalek, qui a vécu quotidiennement la peur, et vraiment la peur de l'embuscade, des tirs isolés, des tirs de harcèlement, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une guerre très hétérogène et très longue justement, et qui en fait véritablement des changements qui ont pu s'opérer au fur et à mesure. C'est très important ce dossier. C'est plus qu'un dossier, hein. On pourrait presque parler d'un numéro spécial, même si c'est le Historia classique qui est en kiosque pour le mois là. Mais il y a une grosse partie du magazine qui est consacrée à ces appelés d'Algérie, et c'est très important parce que lorsqu'on évoque le conflit en Afrique du Nord, évidemment c'est un conflit éminemment politique. Donc nous-mêmes ici, nous avons fait je ne sais pas combien d'émissions, une infinité d'émissions sur les questions politiques, sur le rôle des principaux chefs d'état-major, des grands responsables de l'époque. Nous avons évoqué aussi, bien sûr, le sort des populations autochtones, des pieds noirs. Nous avons vu ce qu'il en a été aussi d'un certain nombre de régiments bien particuliers. Et puis le sort des harkis. Nous avons parlé de tout ça. Mais on a envie de dire, ce dont on ne parle jamais, c'est ce qui constitue la masse même des combattants côté français, c'est-à-dire en l'occurrence les appelés du contingent. Oui, effectivement, ils ont été extrêmement nombreux. C'est le groupe le plus important finalement, hein, aussi, qui a participé à la guerre, qui était confronté à la guerre. Et c'était des jeunes gens. Ils étaient encore mineurs, la majorité était à 21 ans. Donc, faut s'imaginer aujourd'hui. La plupart sont donc mineurs quand ils sont appelés sous les drapeaux. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Et ils sont confrontés en fait à une guerre, ils sont absolument pas préparés à ça, hein, d'autant plus que le discours ambiant finalement minimise complètement le terme de guerre avec ces opérations de maintien de l'ordre. Et donc, ils se retrouvent totalement basculés totalement dans un conflit, dans une situation extraordinaire, on pourrait dire, qui rompt totalement aussi avec ce qu'ils peuvent imaginer, et donc avec une angoisse permanente où ça va changer un peu le comportement au fur et à mesure de ces jeunes-là. Donc ils sont absolument pas confrontés à cela. Ouais. Alors Albert Nalet tient son journal. C'est une chance pour les historiens, c'est une chance pour vous finalement. Tout à fait, bien sûr. Meneur, vous avez beaucoup travaillé sur ce type de document. On va y venir justement dans un instant sur les sources dont on dispose, sources officielles et sources officieuses, souvent les plus intéressantes évidemment, même s'il faut les manipuler toujours avec beaucoup de précautions. Nous allons revenir sur le quotidien des appelés, sur les différentes perception qu'on a pu avoir du phénomène aussi dans la population française. Parce que lorsque vous avez un jeune qui s'en va de l'autre côté de la Méditerranée, ça veut dire que vous avez toute une famille qui a peur et qui attend. Oui. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de ces appelés d'Algérie avec Albert Nalet, dont on suit le parcours grâce à son journal. Vous recevez Tramor Kemener, Franck Ferrand. Il est enseignant à l'Université Paris 8, spécialiste de la guerre d'Algérie, et il a préparé et coordonné le dossier Parole de soldats, témoignages de la guerre d'Algérie. Un dossier paru dans le dernier numéro d'Historia, le numéro d'avril, qui est en kiosque actuellement. Avec tous les aspects, hein. C'est un dossier très riche, très fourni dans ce numéro d'Historia. Alors, justement, quels sont les éléments dont dont on dispose pour établir le quotidien, pour essayer de retracer le vécu de ces appelés d'Algérie, Tramor Kemener. Alors il y a tout d'abord les archives publiques, oui. Donc les archives des ministères qu'on peut maintenant qui sont de plus en elles plus sont, ouvertes. Certaines sont classifiées encore. Enfin, moi quand j'étais au ministère de la Défense, je me rappelle que pour ce qui était de l'Algérie, on pouvait rien voir. Ça a changé un peu. Ça a changé. On va dire depuis 2012, ça commence vraiment à changer. Mais il y a encore des papiers qui, pour protéger la vie privée en règle bien générale, sûr, sont encore sous dérogation. Et donc au-delà de ces archives militaires, les archives nationales des différents ministères, il y a également toutes ces archives privées que l'on peut retrouver et qui sont dans les tiroirs chez chacun d'entre nous, dans les familles, dans les greniers, et que voilà qu'on a un peu oublié parfois, et, ou alors auxquelles au contraire on va à tenir précieusement, hein, parce que c'est un moment important évidemment que cette vie en Algérie pendant 27 mois, 28 mois. C'est toujours un peu délicat d'établir des comparaisons, mais on doit pouvoir en faire avec les fameuses paroles de Poilu hein, de Jean-Pierre Guénot et de cette enquête incroyable qui a eu lieu en 1914 pour retrouver les témoignages des combattants de la première, de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Alors là, il y en a, ils sont, j'allais dire moins nombreux. Cela dit, ils sont quand même très nombreux. Combien en tout d'appelés du contingent concernés par ces événements d'Afrique du Nord ? 1,2 million, plus 200 000 rappelés. Donc ça nous mène quasiment à 1,4 million, un peu plus. Et en totalité, à peu près 2 millions de soldats en fait, qui ont participé à cette guerre. Donc tout le monde n'écrit pas. Il y a des grands écrivains, on va dire. Il y a des personnes qui écrivent beaucoup moins ou des mots qui sont beaucoup plus rapides. Mais ça fait comme une masse de personnes, effectivement. Et en plus, c'est l'avantage aussi, on va dire, entre guillemets, évidemment, avec tous les guillemets nécessaires, c'est que ce n'était pas une guerre, justement. Donc, on n'avait pas non plus, au contraire de la Première Guerre mondiale, la censure qui était établie de manière aussi rigide et aussi stricte. Donc, c'était considéré ici, comment comme des événements de police ou de maintien de l'ordre, c'est voilà, ça l'idée. Exactement. Ouais. Donc, finalement, il y avait de la censure qui existait, mais il y avait aussi de l'autocensure, peut-être parfois plus d'autocensure que de véritable censure, parce que les gens pouvaient écrire, finalement, ce qu'il voulait, ça passait souvent, finalement, sans qu'il y ait de véritables difficultés. Et il a fallu attendre, on va dire, un demi-siècle pour que le sujet devienne un sujet de fiction, de roman, de film. Il y a eu des films, enfin rares, hein, tout ça est au compte-goutte, si je puis dire, comme si... Si c'était un sujet sur lequel on ne veut pas aller, en fait. Oui, tout à fait. Finalement, on s'aperçoit quand on travaille qu'il y a eu tout le temps des films qui sont sortis. Donc c'est vraiment assez régulier. Par contre, là où véritablement le bas blesse, c'est que finalement les gens, ça leur rappelle trop de mauvais souvenirs, notamment les anciens combattants, oui, justement. Bien sûr. Et leur famille, encore une fois. Hein. Et leur famille, tout à fait. Ouais. Donc la douleur est véritablement vive, très très vive. Et on s'aperçoit que beaucoup, en fait, ont évité d'aller voir ces films-là au cinéma, parce que la charge émotionnelle a été beaucoup trop forte. Mais ces appelés, qui sont-ils ? Ils sont représentatifs de toute la population, c'est ce qu'il faut dire. Oui, en fait, voilà. Là, il y a tous les milieux, toutes les régions, il y a toutes les opinions, bien sûr. Tout le monde y a participé, effectivement. Dans chaque famille, il y avait un jeune qui y participait. Si ce n'était le fils, c'était le neveu, etc., etc. Donc, on a véritablement... toute la France a été concernée par cette question-là. Et c'était donc tous les jeunes, en fait, tous les jeunes français. Voilà, c'était le jeune du coin, le jeune du quartier, etc., etc., qui allait et donc, qui craignait beaucoup aussi. Ce serait bien que grâce à vous et dans le sillage d'Historia, les médias se mettent à parler un peu de cette guerre d'Algérie du point de vue de ceux qui l'ont faite. Alors, évidemment, de côté français, ce sera aussi intéressant d'avoir le point de vue des combattants algériens. Mais j'ai envie de dire, ce point de vue-là, on l'émet et on l'étudie depuis plus longtemps, paradoxalement. Hein. C'est-à-dire que les livres sur le FLN sont beaucoup plus nombreux que les livres sur le contingent français, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, il y a des livres, hein. Il y a des livres sur tous les sujets, on pourrait dire. Effectivement, après, c'est rentrer véritablement au fur et à mesure dans une histoire qui est véritablement quotidienne quelque part, par tous ces vécus individuels. En Algérie, il y a beaucoup à l'heure actuelle de témoignages qui sortent, qui sont publiés d'anciens moudjahidines et qui livrent un petit peu le témoignage de leur guerre. Mais on est pour l'instant, ces traces là véritablement aussi n'émergent pas véritablement encore complètement. Et même chose aussi pour les appelés du contingent. Finalement, on s'aperçoit que il y a beaucoup de lettres, de journaux, de petits films parfois amateurs qui existent et qui sont finalement un peu sous-exploités. Il faut répertorier, étudier, voilà, exploiter tout voilà, simplement. Ouais. Les moyens manquent de ce les médias depuis 30 ans parlent essentiellement d'un des aspects qui n'est pas nul, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui est la torture, hein, cette affaire de la torture en Algérie. Mais si j'ose cette expression un peu triviale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a tout le reste, évidemment, au-delà hein, de cette question-là. Oui, effectivement, les vécus sont extrêmement divers, extrêmement riches, et on voit énormément de témoignages. Moi, ce qui me passionne en même temps, c'est quand je plonge dans ces témoignages-là, dans ces lettres que je peux lire, d'appeler du contingent, dans leurs journaux intimes, c'est de voir vraiment toute cette forêt, effectivement, dense d'anecdotes, de vécus différents et qui s'entrecroisent en fin de compte, où on peut voir des personnes qui ont participé à la même, dans une même région, à des événements qui sont un peu semblables, et en même temps avoir des vécus différents sur ces événements. Donc c'est très, très, très riche. Des vécus tous très différents, mais qui passent par un certain nombre de points de passage oui. obligés. Ça commence par l'appel. On va y venir d'ailleurs dans un instant. Ce qu'est le parcours classique d'un combattant en Algérie. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des appelés d'Algérie aujourd'hui grâce à ce numéro d'Historia, le numéro du mois d'avril qui est actuellement en kiosque avec ce titre « Paroles de soldats, témoignages de la guerre d'Algérie », un numéro qui a été préparé et coordonné par Tramor Kemner. Il est enseignant à l'Université Paris 8, spécialiste de la guerre d'Algérie, et il est votre invité, Franck, et vous êtes plongé dans ce numéro d'Historia. Oui, je feuillette le numéro qui est, je vous disais, très riche, et notamment je tombe sur cette double page « Ils ont fait l'Algérie » et on y trouve aussi bien Jacques Chirac et Jean-Pierre Chevènement que Pierre Desproges et Cabu, par exemple, entre autres nombreux, et le père Gilbert et Gilles Perrault, et même Jacques Mérine, le grand criminel. Toute cette génération a été marquée, en fait, au fer rouge. Tout à fait. En fait, effectivement, c'était toute une génération. Tous les appelés du contingent, ils faisaient leur service militaire en Algérie. Ils étaient appelés là-bas, sauf de très rares exceptions, on va dire. Donc, ils ont tous, qu'ils soient connus dès ce moment-là, ou qu'ils étaient, oui, parce que certains, soient devenus connus après. C'est le cas du fils de Pierre Brasseur, par exemple, Claude Brasseur, le comédien qui était déjà connu, lui, à l'époque, où il y en avait d'autres, hein, d'ailleurs, Eddie Mitchell. Oui, tout à fait, ouais, effectivement. Et donc, ils se sont retrouvés, effectivement, à participer à cette guerre. Alors, parfois, voilà, pour Eddie Mitchell, par exemple, plutôt sur la fin de la guerre, également pour Jean-Pierre Chevènement, mais pour d'autres, c'était un peu plus au départ aussi, Jacques Chirac, par exemple, et avec des vécus qui sont complètement différents. Jacques Anquetil, par exemple, lui, s'est retrouvé, au chaud, quelque part, hein, où il a pu s'entraîner pour ses courses cyclistes, et d'autres, au contraire, qui se sont retrouvés un peu au charbon et qui ont vécu des événements assez durs. Claude Brasseur, par exemple, très modeste, dit « Non, moi, j'ai quasiment rien fait », mais en fait, il s'est retrouvé confronté à un attentat, donc il a sauvé des gens. Donc, on voit vraiment une diversité de parcours. Parce qu'il y avait un choc à tout point de vue. Une grande partie de ces appelés n'avait pas tellement quitté sa ville ou sa région, bien souvent. Hein. Et donc là, il se retrouvait sur le port de Marseille, et allons-y, on arrive en Afrique, qu'on le veuille ou non, dans une civilisation quand même avec une culture, avec des odeurs, des couleurs, des lumières très différentes. Et puis, la guerre, bien sûr, et assez vite, la confrontation à la violence et à la peur. Donc tout ça était une transformation, c'est ce qui s'appelle mûrir de façon accélérée hein, pour beaucoup. Oui, tout à fait. Effectivement, ils sont pris dans un maelstrom qui les amène effectivement à effectuer un long voyage, à prendre le bateau. Parfois, c'est la première fois qu'ils voient la mer. Effectivement, vous le disiez le bateau, tout à l'heure. Inutile de dire que c'est pas dans une suite de première classe, hein, bien non, entendu. Donc fait, en plus, c'était compliqué, c'était lourd tout ça, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est 24-48 heures, parfois plus, de bateau, et parfois à fond de cale, donc dans des conditions parfois très houleuses, on va dire. Donc c'est très compliqué. Et effectivement, après, c'est le choc de l'arrivée, et très rapidement, en fait, en fin de compte, avec en plus la propagande qu'il peut y avoir du côté aussi français, hein, pour mettre en condition un petit peu les soldats, parce que au début de la guerre, il y avait beaucoup d'impréparation, les soldats faisaient un peu n'importe quoi, etc., etc. Et il a fallu leur dire, non, vous êtes là pour faire la guerre, donc ils ont été confrontés à des images très dures, dès ce moment-là, pour essayer de les mettre en condition et de dire qu'il fallait faire attention à la population, etc., etc. Donc Donc finalement, très rapidement, ils sont baignés dans cette atmosphère de guerre, de peur, et vont être envoyés un peu partout sur le territoire algérien, avec des lieux effectivement plus durs que d'autres, les pitons isolés complètement en Kabylie, hein, comme Albernalet, dans les Aurès évidemment, qui reste un des lieux emblématiques aussi, ou bien dans différents endroits, ça peut être le Grand Sud, etc., etc. Nous avons pas mal de réactions, hein, Anissa, à cette émission. On a beaucoup de messages. Alexandre nous dit « Mon grand-père maternel avait 21 ans en 58, il est parti combattre en Algérie, il n'en parlait jamais par la suite. » Et puis Christian, qui sur Twitter témoigne lui aussi « Fils d'un appelé parti pour 28 mois en Algérie, nous sommes nombreux à avoir entendu parler de ce pays durant des soirées où nos pères racontaient entre cette guerre. J'ai des souvenirs de mon père et de ses copains de régiment, comme il disait. » Oui, en fait, on se rend compte que les enfants, les petits-enfants, bientôt les arrière-petits-enfants, s'intéressent à la question et sont surpris du silence de ceux qui ne parlent pas. Oui, tout à fait. C'est quelque chose. C'est une véritable question, effectivement. C'est qu'est-ce que nos grands-pères, nos pères et nos grands-pères ont fait et pourquoi ce silence est tellement pesant. Et on s'aperçoit bien, effectivement, qu'il y a un questionnement aussi de la part de la société française par rapport à tout ce passé-là, finalement. Que ce soit des enfants, d'ailleurs, d'appelés du contingent, mais également d'autres catégories comme les pieds noirs ou les enfants de harkis, les enfants d'immigrés algériens. Ou les déracinés, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc il y a beaucoup, en fait, de silence pesant. Et c'est pour les enfants et petits-enfants d'appeler du contingent, le silence est véritablement la question qui est présente, qui est complètement prégnante. Et on s'aperçoit bien, effectivement, qu'ils ont été confrontés à des situations très dures. Il y a des cauchemars. Parfois, les enfants ont vécu avec les cauchemars de leur père, leurs épouses aussi, bien entendu. Oui, et les fiancés et les épouses, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Et pour ça, aucune explication, finalement. Et quand des choses doivent sortir, finalement, non, c'est encore et toujours ce silence. Et on sent qu'il y a un poids très lourd dont il faut aussi se libérer et qui est intéressant aussi à travailler, justement, et qui est véritablement intéressant à travailler aussi dans cette transmission intergénérationnelle. Oui. Pour essayer de régler un petit peu ces questions-là. Et justement, l'histoire orale et ce que l'on appelle un peu la micro-histoire sont au cœur de cette approche. C'est-à-dire que, encore une fois, le numéro que vous nous proposez, Tramore Kemener, n'est pas consacré aux grandes affaires d'état-major, aux différents plans de pacification de l'Algérie, etc. Bon, ça, on connaît ce sujet, mais ça, là, nous entrons dans l'épaisseur et dans le quotidien, si je puis dire. On descend dans le quotidien de ceux qui ont fait cette guerre. Et c'était très important de le faire, je crois, avec en plus un intérêt tout particulier en ce qui vous concerne pour tous ceux qui refusaient la guerre aussi, parce qu'ils sont nombreux hein, quand même. Oui, tout à fait. C'est votre sujet d'étude de départ, ça. D'ailleurs, vous, hein. Oui, tout à fait, effectivement. Ouais. C'était un petit peu de voir les résistances qu'il pouvait y avoir à cette guerre-là. On s'aperçoit effectivement que beaucoup de jeunes appelés du contingent n'étaient pas forcément favorables à participer à la guerre. Et on se rend compte que la population française aussi a été de plus en plus réticente finalement tôt et a opposé un petit peu une sorte de résistance passive à cette guerre-là qui a été crescendo. Et donc effectivement, la situation n'est plus du tout la même entre le début de la guerre et la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, les années 60-62, on sent véritablement une envie de sortir de cette guerre-là. Les gens ont envie de se débarrasser. Et donc, de l'oublier au plus vite, tout à fait. Ouais. Et donc, on a également des mouvements d'opposition qui existent de la part des soldats du contingent. Opposition au putsch également, parce que ça peut être évidemment en sortant carrément du cadre militaire, mais c'est aussi à l'intérieur du cadre militaire pour s'opposer à certaines pratiques qui peuvent exister. Guerre d'Algérie, parole de soldats, c'est donc le dossier spécial sous la direction de Tramore Kemener que nous propose le numéro d'avril de votre magazine Historia. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et pour cette émission consacrée aux appelés d'Algérie, nous allons sur place à Alger avec notre guide Lorena Martin. Oui, mais alors ça n'est pas tout à fait quand même dans un baraquement de campagne, non, puisque oui. C'est dans le grand hôtel Saint-Georges que nous emmène oui. Lorena. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. L'ex-hôtel Saint-Georges, oui, puisqu'aujourd'hui pardon, on l'appelle l'hôtel El Jazair. Nous partons donc à Alger, dans cet hôtel qui est le plus ancien palace de la ville, que l'on connaissait autrefois comme l'hôtel Saint-Georges, mythique hôtel 5 étoiles. Et il faut savoir qu'après l'indépendance... De me dire que j'ai des références un petit peu... c'est ça. Il faut savoir qu'après l'indépendance, les lieux de la capitale, bien sûr, ont progressivement été rebaptisés par des noms algériens. Et donc, El Jazair signifie Alger en arabe. Et c'est le nom qu'on donne à Alger au Xe siècle, lorsqu'on a fondé Alger sur des ruines d'une ancienne cité antique. Et d'ailleurs, les fondements même du palace sont anciens. C'est un ancien palais arabo-ottoman qui date de 1514, juste à côté d'un grand jardin botanique. Et il se situe dans le quartier des hauteurs de Mustapha Supérieur, qui était le lieu de villégiature de la bourgeoisie anglaise à la fin du XIXe siècle. Et on y trouve de très belles villas ottomanes. Il faut dire que ce quartier était réputé pour son calme, sa beauté et sa vue imprenable sur toute la baie d'Alger. Oui. Alors, quand on appelle un établissement Saint-Georges, l'expérience m'a montré que généralement, c'est parce qu'il y a des Anglais derrière. Hein. Donc, il a été plusieurs fois, enfin, il a été notamment orphelinat de jeunes filles, etc., construit notamment par Georges Guillochin, la famille. Il ne deviendra un hôtel qu'en 1927, à la demande de l'ambassadeur britannique. Et bien, faire face, bien sûr, à la demande de plus en plus importante de la communauté britannique. Et l'architecte sera son fils, bien sûr, le fils Georges Guillochin, donc Jacques. On verra le prince de Galles, Rudyard Kipling, Churchill, enfin toute la gentry défiler dans ce grand hôtel. Exactement. Toutes de grandes personnalités, puisque c'est l'adresse préférée de la bourgeoisie anglaise, qui est attirée par les hivers doux et très agréables d'Alger, contrairement au climat anglais. Et on y trouve aussi des Français, Simone de Beauvoir, Edith Piaf, Jean-Paul Sartre et bien d'autres. Et il y a d'ailleurs toutes les photos des personnalités puis, qui sont dans l'hôtel. N'oublions pas, puisqu'on est dans une émission d'histoire, que c'est là qu'a lieu la fameuse conférence d'Alger, hein, en 1942, hein, bien sûr. Donc c'est la conférence franco-américaine du 10 novembre 1942, au surlendemain de l'opération Torche. Et c'est là qu'est signé le cessez-le-feu entre l'amiral Darlan et les Américains. Et on y trouve d'ailleurs toujours la chambre d'Eisenhower, la chambre de l'amiral Darlan. Les chambres sont restées, on a donné cette dimension historique, oui, hein, c'est ça? Exactement. Donc la chambre 1101, et notamment la chambre du général Eisenhower, qui se situe à l'étage où avait été signée donc, toute cette conférence. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah, alors aujourd'hui, c'est un retour aux origines qui concerne notre silhouette. Alors la silhouette, oui. Bon, la silhouette, on le sait, c'est l'allure, la ligne d'une personne, les formes générales d'une chose. Mais ça vient d'où ce mot silhouette? Ah ben ça vient de Monsieur de Silhouette, s'il vous plaît. Ah, bien, d'accord. Qui était un très haut personnage de la cour de Louis XV. Il était contrôleur général des finances. Étienne de Silhouette, il meurt en 1767, vous voyez. En fait, en tant que ministre des finances, c'était un homme qui était assez humaniste, si on peut dire. Il avait pour ambition de taxer la noblesse et la finance. Vous imaginez ça? Ce qui, évidemment, ne l'a pas rendu toujours très populaire dans son propre milieu. Sa principale réforme consiste à supprimer la plupart des pensions que touchait la haute noblesse de l'époque. Ouais. Autrement dit, on va se mettre à maigrir, n'est-ce pas? Vous voyez, vous commencez à me voir venir. D'accord. Alors, le mot silhouette va désigner successivement des habits à la silhouette, car nul n'y peut glisser sa bourse, puisque, dit-on, le ministre des Finances a pris tout l'argent qui restait, nous dit la chronique. Ensuite, ça va devenir une action inachevée, faite à la légère sans réelle valeur, un petit peu péjoratif. Et puis, à la fin du 18e, eh bien, un simple portrait dont on ne garde que le profil devient en quelque sorte une silhouette. Voilà encore un nom propre devenu nom commun. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.